Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on part maintenant en direction de l'Europe de l'Ouest sur la piste du loup. Le loup avait disparu des pays d'Europe de l'Ouest et il est maintenant de retour. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les uns, mais une mauvaise pour les autres. Alors, Mélanie Jean va nous expliquer pourquoi. Bonjour, Mélanie. Bonjour, François. Ben oui, comme tu l'as dit, le loup réintègre peu à peu l'Europe de l'Ouest. Il est déjà de retour en France, en Suisse et même en Allemagne. Et on remarque que l'espèce s'étend actuellement pratiquement dans toutes les directions de l'Europe. Et la façon dont se déroule cette reconquête montre en fait que les écosystèmes européens sont en train de recouvrer des qualités perdues, même si là, parallèlement, il y a quand même des résistances encore à la protection de l'environnement. Le loup revient progressivement aujourd'hui, mais aussi avec lui une hostilité là, de la part des éleveurs de bétail et des chasseurs qui, on peut dire, avaient causé un peu, avaient fait partie en tout cas de sa quasi-disparition. Et en Europe de l'Ouest, plus particulièrement en France, ben le monde rural il était très prépondérant là, jusque dans les années 1930. Et à cette époque-là, l'imbrication, on peut dire, de l'espace naturel et des milieux humains, c'était beaucoup plus grand et plus facile aussi qu'aujourd'hui. Puis à cette époque-là, au Royaume-Uni et en Allemagne, ben là, le monde urbain il dominait déjà depuis très longtemps. Et peu à peu, surtout entre le 18e et le 20e siècle, ben là, on s'est retrouvé avec une pression démographique importante en Europe et les besoins en bois de construction ont vraiment diminué les espaces forestiers, ben de sorte que le loup disposait de très peu d'habitats où subsister. Mm-hmm. Mais même s'il y avait, il restait plus beaucoup d'habitants. Qu'est-ce qui a causé la quasi-disparition du plus grand prédateur d'Europe? Ben, au milieu du 19e siècle, le loup avait ainsi disparu d'à peu près la majorité de l'Europe de l'Ouest, pardon. Et en plus de la déforestation, ben, il y a eu une politique d'éradication de la rage et aussi des primes à l'abattage du loup en France. Puis là, ça c'est venu comme achever là, la quasi-disparition de l'animal. On pensait à l'époque que simplement de se débarrasser d'une espèce nuisible. Et tous ces facteurs-là mis ensemble, en plus de la démocratisation des armes à feu, ben, ça a eu pour conséquence là, la disparition du loup de la majorité des forêts et des campagnes européennes. Et la disparition aussi des grands herbivores sauvages, en plus du déboisement des forêts, comme on a parlé tout à l'heure, ben, ça a poussé ce prédateur-là à se rabattre sur les proies domestiques. Et là, ben, ça a motivé encore davantage son éradication, parce que il venait carrément puiser dans le bétail. Ben oui, c'est ça. Et la mise en place d'infrastructures de communication et de transport moderne, ben, là, ça s'est mis à désenclaver de plus en plus le territoire. On fragmente les forêts aussi. Et là, ça expose davantage la faune, dont le loup. Bref, au milieu du 20e siècle, il y a plusieurs écosystèmes et milieux naturels européens qui étaient plutôt dans un état moyen. Et le loup en a souffert. Et est-ce que la disparition du loup est récente ailleurs qu'en Europe? La disparition du loup, est pas vraiment très récente. Le loup a d'abord disparu des îles britanniques. En Angleterre, on parle du début du 16e siècle. En Écosse, la dernière fois qu'il a été vu, c'est en 1684. En Irlande, ça remonte à 1710. Et ça a contribué à donner à ces territoires-là un avantage compétitif là, dans l'élevage des moutons. Parce que moins de loups, ça donne plus de moutons. Ben oui, c'est ça. D'ailleurs, plus de productivité. Oui. Et à cette époque-là, c'est pas un hasard si la Grande-Bretagne et l'Irlande étaient réputées pour la qualité de leur laine. Parce qu'il y avait une facilité un peu, on peut dire, là, dans l'élevage du mouton. OK. En Suisse, le dernier loup aurait été abattu en 1872. Et le loup a disparu à la fin du 19e siècle en Belgique et en Allemagne, après s'être réfugié là, dans des forêts des Ardennes et les régions rhénanes. Est-ce qu'il y a des endroits qui ont été épargnés par la disparition de ce carnivore? Heureusement, oui. Le grand prédateur s'est toutefois maintenu dans des contrées là, qu'on pourrait dire avec un développement industriel pratiquement nul, faible. On parle là, d'Europe centrale, d'Europe orientale, un peu dans le sud aussi. Dans ces régions-là, subsistaient encore des structures qu'on appelle un peu féodales. C'était moins urbanisé. Donc, les vagues d'extermination, ça s'est propagé un peu plus tardivement. On parle plus du 20e siècle, mais ça n'a jamais menacé les populations de loups. Là. En Europe du Nord non plus, l'élimination n'a jamais été complète. Par contre, dans le sud de l'Europe, dans la péninsule ibérique et en Italie, les populations ont beaucoup régressé jusqu'à dans les années 70, mais n'ont pas totalement disparu. C'est sûr qu'il y en avait beaucoup moins, mais dans le nord de l'Italie, il y en a toujours eu. Et dans ce pays-là, en France d'ailleurs, le dernier loup aurait été abattu en 1937, donc ça, c'est plus récent un peu. Ouais. Mais entre cette date-là et le retour officiel du loup en France en 1992, donc c'est quand même passé beaucoup d'années, de temps en temps, on voyait des individus qui étaient retrouvés morts ou qu'on devait tuer, soit accidentellement ou en raison là, de problèmes avec des bétails. Mm-hmm. La gestion du loup, donc, en Europe, là, c'est devenu vraiment une affaire carrément politique. Parce que là, les éleveurs sont indemnisés s'il y a des cas de prédation. Par exemple, il y a des fonds qui sont attribués pour l'acquisition de chiens, de troupeaux, ou de clôtures anti-loups. Il y a même des tirs de défense et de prélèvement qui peuvent même être autorisés de temps en temps par les préfets si la pression des éleveurs devient trop forte. Et qu'est-ce qui a favorisé le retour progressif du loup? Bien, on remarque un retour progressif depuis les années 70 et il y a plusieurs éléments qui ont favorisé son retour. En premier lieu, on pourrait dire que le plus gros coup de pouce qu'il y a eu, c'est la Convention de Berne. Ça l'interdit de tuer les loups. Ça a été signé en 1979 par 47 États européens et ça proposait des dispositifs là, spécifiques pour la conservation d'espèces en danger, donc le loup. Et autre point positif pour ce dernier, bien, la présence des zones naturelles assez vastes et protégées où il peut désormais trouver un milieu de vie propice, parce que il y a eu beaucoup de forêts qui ont été détruites, mais là, de plus en plus, c'est rétabli et protégé. Donc, ça aide beaucoup pour le loup à trouver des habitats. Sa réinsertion. Exactement. Et ensuite, il y a la fin de la guerre froide. Ça peut paraître bizarre, mais ça l'a permis aux prédateurs de circuler assez librement entre l'Est et l'Ouest, ce qui était plus compliqué avant. Donc, le loup a passé par la Pologne et il a fini par arriver en Europe orientale, dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Et en décembre 2012, il y a une meute de loups avec ses louveteaux qui provenaient d'Europe orientale, qui a été repérée à une vingtaine de kilomètres là, du sud de Berlin. Ah ouais. Donc, les loups, par contre, ils n'arrivent pas en Allemagne pour la visiter, même si ça a l'air très joli. Ils viennent en fait pour s'y établir. Et ça, c'est une première là, depuis un siècle. Et en France, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en 1992, en fait, c'est en novembre 92 qu'on va observer pour la première fois un loup dans les Alpes. Ça faisait très très longtemps qu'on en avait pu observer. Et ceux-ci, on a découvert que c'était des individus qui provenaient d'une population italienne qui était située entre Gênes, Florence et Bologne. Donc, vraiment le nord de l'Italie. C'est ça, le nord de l'Italie. Mais les pays d'Europe, en fait, doivent donc réapprendre à vivre avec le loup. J'imagine que ça ne fait pas que des heureux, comme on le disait tout à l'heure. Oui, tu as raison, ça ne fait pas juste des heureux parce que là, ça ravive des tensions entre les éleveurs et les écologistes. Ben ouais. Les troupeaux de moutons de la région de l'Usace, là, par exemple, c'est une région qui est dans le nord-est de l'Allemagne, sont souvent victimes d'attaques des loups. À tel point que les éleveurs reçoivent aujourd'hui des subventions pour installer des barrières électriques pour protéger leurs troupeaux. Et même parfois, il y a des démêlés entre certains éleveurs et la justice, là, parce que là, on parle de braconnage contre les loups, parce que c'est interdit quand même de les tuer. Là. L'Allemagne, c'est pas le seul pays qui doit réapprendre à vivre avec les loups, par contre. Pour vous donner une idée, là, répartis sur 29 zones en France, les populations de loups là, sont intouchables depuis 1979 et ils augmentent à peu près de 17% par année. Et ça a été à l'origine de la mort, malheureusement, de 5848 animaux d'élevage. Ouais. Les prédations ont coûté à la France à peu près 12 millions d'euros juste l'année dernière en aide financière allouée en indemnisation. Donc, c'est beaucoup d'argent. Alors que les environnementalistes et les forestiers, ben eux, ils se félicitent là, du retour du loup, puis je les comprends, là, en Europe occidentale, ils viennent dire que tu sais, c'est une preuve là, d'un rééquilibre de balance environnementale, puis c'est tout à fait vrai. Le gouvernement français, lui, de son côté, travaille à essayer de faciliter les fameux tirs de régulation et la protection des troupeaux, ainsi que l'indemnisation des éleveurs là, pour essayer d'avoir une meilleure cohabitation possible, mais c'est pas facile. Mais en fait, quel danger représente réellement le loup? Mais le loup constitue un danger réel, mais c'est seulement pour les moutons, les chèvres, le petit bétail, les petits animaux sauvages comme le chevreuil, les cerfs, les sangliers. Dans les régions concernées par le retour du loup, c'est surtout les fermiers puis les propriétaires de troupeaux là qui doivent prendre des mesures de protection là, pour leurs bêtes. Oui, tout à fait. Parce que le loup représente aucun danger pour l'homme. Il va fuir à la vue d'un être humain. Là, fait que c'est pas du tout dangereux pour mettons les promeneurs en forêt ou les randonneurs. C'est ça, ils peuvent pas se faire attaquer. C'est ça. Et son retour dans l'ouest de l'Europe, c'est d'ailleurs un très bon signe parce que ça signifie que les efforts de préservation de la nature et le maintien de la biodiversité, ben ça porte réellement des fruits. Mm-hmm. Oui, excuse-moi, j'allais juste dire que c'était vraiment une preuve très concrète de d'un habitat là qui est pratiquement dégradé à son maximum, plein de, parce que là je parle du loup, mais il y a plein d'espèces d'animaux qui sont revenus, qui sont venus reconquérir les les nouvelles forêts qui ont été protégées là depuis à peu près les 30 dernières années. Donc ça commence à aller de mieux en mieux dans ce coin. C'est un nouvel équilibre qui se rétablit présentement. Alors c'est fort intéressant, le loup au cœur d'une perspective historique, environnementale et économique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Mélanie. C'est un plaisir. Alors on va passer en pause musicale et on vous revient avec Christiane Dupont.